Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Il est minuit une et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Créhistoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte ce soir pour cette émission. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième et dernière partie du cinéma pornographique. Dans cette deuxième et dernière partie, nous allons parler des années 90, des années 2000 et 2010, de l'industrie pro-adulte avec l'industrie des films pornographiques en France. Et enfin, nous parlerons de l'emploi ou du refus du préservatif. Commençons tout de suite par parler du film pornographique dans les années 90. Le développement des technologies de support comme les cassettes vidéo VHS puis le DVD permet l'accès au grand public à des films pornographiques dans le cadre de la vie privée en quittant le milieu restreint des cinémas X. La qualité des productions déclina généralement pour répondre à une demande continuellement croissante. Il existe alors plusieurs centaines de studios produisant des dizaines de milliers de films chaque année et plusieurs milliers de personnes travaillant comme acteurs ou actrices pornographiques. On compte parmi les vedettes féminines nord-américaines de cette décennie Jenna Jameson, Aurora Snow, Asia Carrera, Jill Kelly, Chloe Jones, Heather Hunter, Ashlyn Gere et Raquel Darian. C'est aussi l'arrivée des stars venues d'Europe de l'Est comme Sylvia Saint, Daniela Rush, Monica Sweetheart, Anita Dark, Léa Martini et Sandra Romain. Parmi les vedettes du X en France, nous pouvons citer Tabata Cash, Laura Sinclair, Julia Chanel, Rebecca Lord, Jasmine, Dolly Golden, ou la néerlandaise Zara Whites. Rocco Siffredi, Ron Jeremy, Lexington Steele, Rodney Moore, Shawn Michaels, Ed Powers, Vince Vuillard ou Peter North font partie des acteurs hétérosexuels les plus connus de la décennie. Les vedettes masculines françaises apparues à cette époque sont Titoff, à ne pas confondre avec Titoff, l'humoriste, Sébastien Barrio, HPG, Philippe Den et Ian Scott. La capacité de production commençant à saturer le marché du film pornographique, les productions évoluèrent durant cette décennie vers des pratiques jusqu'ici plus confidentielles, voire considérées comme extrêmes, comme la sodomie, le BDSM, les pénétrations multiples, etc. Certaines de ces pratiques furent incorporées au film pornographique plus conventionnel, créant une nouvelle norme de pratiques sexuelles. D'autres studios se sont tournés vers le système à longue traîne, se spécialisant dans la réalisation des fantasmes plus spécifiques et ne touchant qu'un nombre limité d'amateurs, mais en diversifiant leurs offres afin d'occuper ces niches commerciales. Le studio japonais s'est ainsi spécialisé dans ce type de marché, proposant aux consommateurs de signaler les fantasmes qui les intéressent, le studio réalisant les films ensuite. Les acteurs et actrices les plus recherchés devinrent donc ceux qui incorporaient ces pratiques à leur répertoire. Intéressons-nous maintenant aux années 2000-2010. L'essor d'Internet et du World Wide Web va changer la donne. Les films pornographiques peuvent maintenant être téléchargés illégalement et parallèlement les sociétés de production adoptent la vidéo à la demande ou VOD comme mode de distribution. Tout cela donne accès à un plus large public international. Les actrices X se sont rapidement propulsées au rang de starlettes par le web. Les amateurs peuvent aussi s'exhiber avec leur webcam, mais les actrices nord-américaines dominent toujours le marché. Belladonna, Jenna Hayes, Tori Lane, Brooke Haven, Sasha Gray, Stoya ou encore Asa Akira. De nouvelles vedettes masculines apparaissent également comme James Dean, à ne pas confondre avec l'acteur décédé en 1955, James Dean. Parmi les principales actrices françaises apparues dans les années 2000, on compte Clara Morgan, Estelle Desanges, Katsuni, qui s'expatrie aux États-Unis au milieu de la décennie, Nina Roberts, Melissa Laurent ou encore Lisa Del Sierra. Ovidie apparue à la fin des années 90 passe quant à elle à la réalisation. Du côté des hommes, Sébastien Barrio se démarque tandis que Manuel Ferrara, devenu une vedette au cours des années 2000, poursuit sa carrière aux États-Unis. En 2005, avec le film Pirate, des films pornographiques d'un nouveau genre commencent à faire leur apparition, se rapprochant davantage du cinéma traditionnel, ou le parodiant ouvertement avec un scénario travaillé, des costumes et même des effets spéciaux. En 2008, ce film connaît une suite, Pirate 2, La Vengeance de Stagnetti, qui réunit ce qui est alors le plus gros budget de l'histoire du cinéma X. Durant l'année 2008, la chaîne Canal+ a commencé à produire la série de films intitulée X, Femmes, des films destinés à un public plutôt féminin. À partir du milieu des années 2000, le développement de la pornographie sur Internet, conjugué au déclin du marché du DVD, conduit cependant à un changement profond de l'industrie du cinéma pornographique. L'apparition de ce que nous appelons les tubes dans le milieu du cinéma, qui sont des sites web conçus sur le modèle de sites de partage de vidéos en ligne, qui proposent la diffusion gratuite en streaming de séquences pornographiques mêlant des vidéos d'amateurs et des extraits de productions professionnelles piratées, a contraint des sociétés de production à revoir radicalement leur modèle économique. Beaucoup ont dû cesser leur activité ou revoir leur budget de production à la baisse, et le groupe international MindGeek, propriétaire de plusieurs de ces sites, a progressivement racheté de nombreuses entreprises survivantes, s'assurant dans les années 2010 une situation de quasi-monopole dans l'industrie pornographique sur le continent nord-américain, en contrôlant toute la chaîne de distribution. cette évolution s'est accompagnée d'une dégradation des conditions de travail pour les professionnels du cinéma pornographique. Intéressons-nous maintenant à l'industrie pour adultes à proprement parler et à l'industrie des films pornographiques en France plus particulièrement. L'industrie mondiale du film pornographique est dominée par les États-Unis. Avec la zone de la vallée de San Fernando, surnommée la Porn Valley, du fait des nombreux studios qu'elle héberge, la Californie est au cœur de cette industrie. En Europe, la Hongrie est devenue dans les années 90 l'un des principaux centres de production, de nombreux tournages se déroulant à Budapest. Pour le cinéma français, de tels films ont longtemps été soumis à la censure. Le relâchement de la censure cinématographique après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing entraîne en 1974-1975 la distribution d'une vague de films pornographiques, ce qui a pour conséquence l'adoption en 1975 de la loi sur le classement X. Aujourd'hui, la classification X est adoptée volontairement par les producteurs de certains films. Toutefois, certains films peuvent être interdits au moins de 18 ans. L'interdiction d'un film à certains publics sont réalisées par la commission d'exploitation dépendant du ministère de la Culture et peuvent avoir des conséquences importantes sur la viabilité économique du film. L'appellation X viendrait du fait que l'on barrait autrefois de croix les affiches des films censurés. Elle est devenue une convention internationale. Toutes les prises de vue des films pornographiques contemporains sont effectuées en vidéo numérique et leur exploitation se fait uniquement par la vente de celles-ci, sous la forme de DVD ou de Blu-ray, par la télévision et par Internet, et non plus par exploitation en salle. Il subsiste néanmoins une salle consacrée au cinéma X dans la région de Reims, ainsi qu'une à Metz appelée Le Royal. La dernière salle parisienne, le Beverley, a fermé ses portes le 23 février 2019. À ce titre, ses œuvres ne sont plus soumises à la législation du cinéma, mais à celle du multimédia. Les seules obligations en sont donc le dépôt légal et l'application de mesures visant à en empêcher l'accès aux mineurs. Le syndicat des acteurs de l'industrie pornographique édite une charte signée par les sociétés de production qui s'engage à respecter une certaine déontologie. Les films autorisés à la distribution, à la vente et ou à la location en France sont les films hétérosexuels, professionnels ou amateurs avec scénario, les films homosexuels, professionnels ou amateurs avec scénario, les films transsexuels, professionnels ou amateurs avec scénario. Ces catégories peuvent être déclinées chacun selon des pratiques sexuelles comme la fellation, la sodomie, le gangbang, le fist fucking, etc. Ou encore selon des spécialités comme le fétichisme, le sadomasochisme, la gérontophilie ou encore l'urophilie. Cependant, de nombreux films sont multicritères. Ainsi, de nombreux films qualifiés de films hétérosexuels incorporent des scènes homosexuelles mais uniquement féminines. Les films impliquant des transsexuels sont souvent classés en catégorie gay ou lesbienne. Les films autorisés à la télédiffusion sont, en France, autorisés uniquement entre minuit et 5h du matin sur des chaînes payantes, abonnement en double cryptage ou pay-per-view, avec de nombreuses restrictions par rapport aux films autorisés à la vente et à la location. Concernant les films autorisés sur chaîne à abonnement, ceux-ci doivent avoir un scénario, lequel ne doit pas comporter de scènes de viol ou d'inceste. Ils ne peuvent pas se référer aux déclinaisons des pratiques ou des spécialités. Concrètement, les chaînes n'ont pas utilisé pleinement cette semi-liberté. Ainsi, l'homosexualité masculine, avant l'apparition de la chaîne Pink TV, était absente, hors événements type Gay Pride ou le film mensuel de la chaîne XXL, tandis que l'homosexualité féminine est très présente dans le porno à destination d'un public hétérosexuel. Enfin, le choix des films privilégie les acteurs et actrices jeunes et en bonne santé. Pas de handicap physique, actrice de moins de 35 ans, pas de femme enceinte, etc. Les films autorisés en pay-per-view sont tous les films autorisés à la vente, avec comme restriction l'absence de scènes de viol ou d'inceste et les déclinaisons de spécialités. Voyons maintenant l'emploi ou le refus du préservatif. Les films pornographiques représentent traditionnellement des rapports non protégés. Avec l'apparition du sida, l'usage du préservatif s'est répandu et les films pornographiques gays ont été les premiers à adopter majoritairement l'usage du préservatif. Toutefois, et jusqu'à maintenant, très peu de productions de films pornographiques hétérosexuels ont adhéré à cette politique de préservation de la santé publique. Avec l'apparition à la fin des années 90 du relapse dans le milieu gay, phénomène caractérisé par l'abandon du préservatif dans les relations sexuelles, à la fois dans le but de maximiser le plaisir et par bravade vis-à-vis d'un ordre moral, représenté par les apôtres du safe sex, qui remettrait en cause l'idée même de liberté sexuelle favorisée par les publications d'auteurs comme Guillaume Dustan ou Eric Remes, prenant ouvertement le barebacking, la chevauchée sauvage en français, ou plus littéralement, cul à cru, et apparu sous cette même dénomination une nouvelle catégorie de films pornographiques présentant des rapports sexuels non protégés entre hommes consentants. Ces films, censés libérer l'imaginaire des spectateurs qui les trouveraient plus excitants, connaissent un grand succès et représentent à présent plus de 25% du marché pornographique en France, alors que pendant près de 20 ans, ils n'étaient qu'une production très marginale. Les associations de prévention et de lutte contre le sida ont essayé de lutter contre ces productions, tentant même en vain de les faire interdire. Ce phénomène se répand de plus en plus, même si les studios précisent que leurs acteurs sont ou bien tous séropositifs, ou bien tous séronégatifs, est régulièrement testé et mettent systématiquement en préambule de leur film un message d'avertissement sur les dangers du sida. Dans les faits, d'une part, il existe toujours un délai d'incubation de la maladie pendant laquelle la personne infectée paraît séronégative, et d'autre part, la surinfection d'un individu séropositif par un partenaire séropositif complique la prise en charge médicale et réduit l'espérance de vie. Dans tous les cas, protégez-vous lors de rapports sexuels, nous ne le dirons jamais assez, mais c'est important, très important. C'est ainsi que se termine cette deuxième et dernière partie sur le cinéma pornographique. La semaine prochaine, nous nous détendrons davantage, car nous parlerons du cinéma de comédie. S'il vous plaît, encore une fois, ne faites pas de polémique à propos des deux derniers thèmes que j'aborde. Faisant une chronique sur l'histoire du cinéma, je suis obligé de passer par ce sujet, ce sont tout traité sans tabou. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.radioguimozo.eu. Comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Christoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Guimozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi, je vous laisse ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.